Tes pas dans le couloir se sont estompés depuis longtemps. Mais sur la photo, tu étais toujours là. Ta veste accrochée au crochet, ton nom dans la vitre. Et je me demande en silence, où est ton sourire maintenant? Dans le creux de mes mains, dans ce regard qui me suffit.